là. Dans le jardin de mon cœur, une rose a fleuri. Ses pétales délicates, malgré les épines. Pour toi, j'y ai arrosé, même sous la pluie. Mon amour, un phare dans les nuits divines. Aimer, c'est parfois naviguer sur des mers agitées. Pour toi, j'ai tout donné, même si j'ai tout brisé. Ton sourire, un rayon de soleil dans l'ombre de mes jours. Pour toi, j'ai peint des merveilles, même si mon cœur était lourd. Aimer, c'est parfois naviguer sur des mers agitées. Pour toi, j'ai tout donné, même si j'étais brisé. Ton cœur, un oiseau blessé que j'ai voulu soigner. Pour toi, j'ai chanté, même si mes ailes étaient brisées. Aimer, c'est parfois naviguer sur des mers agitées. Pour toi, j'ai tout donné, même si j'étais brisé. Dans tes yeux, des étoiles filantes, illuminant mes nuits sombres. Pour toi, j'ai fait des vœux ardents, même si mon âme était en cendres. Aimer, c'est parfois naviguer sur des mers agitées. Pour toi, j'ai tout donné, même si j'étais brisé. Chaque mot, une douce mélodie résonnant dans mon cœur. Pour toi, j'ai écrit des symphonies, même si je ressentais la douleur. Aimer, c'est parfois naviguer sur des mers agitées. Pour toi, j'ai tout donné, même si j'étais brisé. Ton bonheur, un trésor caché que j'ai cherché sans relâche. Pour toi, j'ai tout risqué, même si mon monde s'effondrait. Même si mon monde s'effondrait. Aimer, c'est parfois naviguer sur des mers agitées. Pour toi, j'ai tout donné, même si j'étais brisé. Un jour, j'ai compris enfin que l'amour est une flamme. Pour toi, jusqu'à la fin, je continuerai à brûler mon âme. Aimer, c'est parfois naviguer sur des mers agitées. Pour toi, j'ai tout donné, même si j'étais brisé.